On est sur Paname. On est sur Paname à l'instant. DJ Amida, c'est un extrait de Mix Party 2015 dans les bacs depuis hier, en téléchargement légal aussi. On peut aller cliquer. Avec Camero qui est allé hier soir entre 20 et 21. Et beaucoup d'invités, on le disait hier hein, sur le projet. Yes, beaucoup d'invités. Trentaine de morceaux. Ouais, 34 morceaux avec une quarantaine d'invités, donc voilà. Bon, tu veux présenter quelques invités de ce soir, Amida? Quelques invités. Allons-y, on commence par qui? On va commencer par Kevlar. Ah, t'es pas galant, toi. De droite à gauche. Ouais, ça arrive comme ça. T'aurais pu me dire non, je garde le meilleur ou la meilleure pour la fin. C'est ça. Voilà, c'est garder la meilleure pour la fin. C'est ça. Alors vas-y, on attaque. Bah, je te présente Kevlar, un petit talent que j'ai déniché il y a quelques mois. Là. Mm-hmm. Et il a posé sur la compile et suite à ça, j'ai décidé de le produire. Donc, ah bah. Voilà. Tout va bien alors? Nickel. Ça va Kevlar? Ça va. Est-ce qu'on peut avoir un petit CV express de toi, qui tu es, ce que tu as fait, où tu vas? Kevlar, originaire du sud de la France, Béziers, en 34, j'ai 23 ans. Oh mon pauvre. Ouais. Oh mon pauvre. C'est ça. Non, c'est pas, j'ai rien contre les Biterrois, hein, mais par contre votre mère... Ouais, c'est tendu. C'est le mec très classe, Robert Ménard, là, qui est... Un mec super classe qui met genre on a équipé la police municipale, il met les flingues en photo, enfin ouais, un mec d'une classe absolument intégrale lui. Alors lui c'est du très très haut niveau. Hein. Bon courage, en fait non j'aurais dû dire bon courage. Ouais, non, et bon courage à vous tous là-bas. Merci. Du côté de Béziers. Merci. Bon donc tu viens de Béziers? Béziers, j'ai 23 ans, je fais du rap depuis que j'ai 16 ans. Mmh. Et j'ai sorti un EP qui se trouve sur iTunes qui s'intitule Faux Départ. Et là je suis en studio, je bosse le deuxième EP. Je prépare qui viendra sûrement à la rentrée, voire début 2016. Donc début 2016 ou fin 2015. En tout cas, ça bosse dessus. Ça bosse dessus avec Amida. On va commencer ça. Ouais. D'accord. La connexion entre vous deux, c'est quoi? T'as reçu un jour un son? Même pas, au studio, j'ai été posé et il est venu, il m'a fait écouter un morceau et je lui ai dit bah. T'as trouvé l'adresse ou? Ouais. Donc voilà. Je m'inquiète pas. Il est allé au culot et regarde, alhamdoulilah. T'as demandé à Robert? Ouais, non. Donc voilà, donc tout va bien pour toi hein? Ouais, impeccable. Content de faire partie de ce projet, parce que c'est vrai qu'on l'a pas assez dit, mais Mix Party, c'est ça, c'est mélanger des artistes confirmés avec, voilà, avec des dénicheurs de talents. Voilà, des nouveaux talents. Voilà. J'aime beaucoup dénicher les talents et après les mettre en avant, tu vois. Donc ça leur permet d'avoir un tremplin suite à leur carrière. Et puis une expo quand même, c'est une grosse expo. Voilà, parce que maintenant, Mix Party, c'est quand même c'est un album attendu. Chez Haja. Hein. Comme tu dis. Chez Haja, comme je dis, c'est quelque chose. Bon, Kevlar, bienvenue en tout cas à toi. On continue ce tour de table. Ok, on va continuer le tour de table avec Yasmine. Voilà. Voilà. Le talent originaire de Lyon. Ah, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est pas ton anniversaire. J'ai grand âge. Ouais, c'était hier, Amida. Enfin, avant-hier même. Ouais. Non, c'est pas ton anniversaire. C'est quand ton anniversaire? Le 22 avril. Ah oui. C'est dépassé. Bah oui, je sais pas ce qu'ils ont. Bon, c'est pas grave. Bienvenue en tout cas à toi. Merci. Sous les applaudissements en tout cas. Ouais, obligé. Alors, petite présentation. Qui tu es? Pareil, un petit CV express. Alors, moi, c'est Yasmine. J'ai 21 ans. Je viens de la région lyonnaise. Et donc, j'avais déjà collaboré avec Hamida en 2012 sur le projet DJ Hamida Mix Party. C'était avec Don't Forget en remix avec Rof. Et là, du coup, j'ai reposé sur deux sons pour son album. Et voilà, toujours aussi contente de faire partie de l'aventure. C'est vrai, depuis, qu'est-ce que tu as fait? Alors, t'as sorti des choses, tu as bossé J'ai bossé, j'ai sorti avec DJ Case l'année dernière, j'étais déjà venue ici. Et puis là, je finalise un son en ce moment que j'ai clippé également et on va voir la suite. Et bon, on verra la suite et puis on te retrouve aussi sur le projet Mix Party. Bienvenue, Yasmine. Également, merci. Suite à ça, nous avons ici à ma gauche. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de Jamel. Dissipé. Ouais, les membres du Jamel Comedy Club. Ouais, j'ai quelqu'un qui est dissipé à mes côtés, non? Non. Le binôme Younes et Bambi. Younes et Bambi, ouais, voilà, qui font un véritable. Ouais, qui font un. Qui font un. Bientôt. Voilà, Younes. Le EP de Chama. Bambi. Ouais. Vous êtes nés en même temps d'ailleurs, tous les deux. Donc, voilà. Aujourd'hui. Bon, ça va bien, ouais. Younes et Bambi font un véritable carton en ce moment. Vous êtes toujours sur scène, là, au Comedy Club? Bienvenue, Fred. Attends, bien sûr que je suis venu. T'es venu quand? Moi, je suis toujours vers le bar. Comment ça? C'est ça. Pour me trouver. Ah, vous n'étiez pas au courant, dommage pour vous. Dommage pour vous. Dommage pour vous, je suis souvent au Comedy Club. En tout cas, c'est un honneur d'être avec frérot DJ Hamida, avec toi, Fred Musan. Et Yasmine, non? Et Yasmine? Non, mais attends, mais Kevlar de Béziers. Et Yasmine de la région lyonnaise qui a un truc avec Rof. Et alors Younes et Bambi. Non, non, c'est très bien parce que les gens ils négligent. Il y a des talents. Hamida, c'est un dénicheur de talents. Hamida qui vient d'où? Non, il déniche des talents. Qui vient d'où? Vous êtes au courant d'où il vient? Chalon sur scène. Ça, le sur scène. Ah, quel chant. Mont-Solémine. Ah, Mont-Solémine, c'est toujours. Mont-Solémine, sacrée ville. Hein. Vous n'avez pas joué encore à Mont-Solémine, les gars? Non, Inch'Allah, j'espère qu'on ira là-bas. Hein. Grosse tournée. Si on vient là-bas, t'as intérêt d'être là. Il n'y a pas de souci. Pour vous, pareil aussi, petite présentation, Younes Bambi. Younes et Bambi, on est un duo, on a un spectacle qui s'appelle L'Arabe et le Juif, on fait partie du Jamel Comedy Club. Alors, qui est l'Arabe, qui est le Juif? Parce que avis, voilà, lui, c'est le Juif et moi, je suis l'Arabe. D'accord. Je suis Chlé. D'accord, c'est tout. Ah, Chlé, Adguerin. C'est pour ça que t'as pris le micro. Voilà. Donc, voilà. Non, après, s'il veut parler. Et voilà, merci beaucoup de nous avoir invités. Big up à tout le monde. Et voilà, merci. Eh bien, bienvenue, Younes Bambi. Allez les voir ça à quelle heure vous au c'est tous les vendredis, samedi à 21h30. 21h30, tous les vendredis, samedi au Comedy Club. Allez les voir. Et alors, pourquoi est-ce que tu as voulu les inviter, Hamida? Parce que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux et j'ai regardé beaucoup les vidéos de Younes. Et quand j'ai vu qu'ils avaient repris aussi les bourrelets que tu m'as fait écouter hier, la reprise de la Parole de Déconnecté. Ouais. Donc suite à ça, je lui ai dit bon, on va les inviter sur le projet. D'ailleurs, c'est un son de Nounours qui est avec nous ce soir. Ouais, Nounours aussi qui est parmi nous. Big up à Nounours. Qui en souhaite un bon anniversaire aussi. Joyeux anniversaire Nounours. Allez, et bienvenue à vous. On met un morceau, on présente après ce qui se passe. Ok, y a pas de souci. Venez danser, on me dit dans mon oreillette. Venez danser. Venez danser. Marvin de Chalon. Ah. Super talent de chez moi. C'est le petit MN du Satan. Voilà, c'est ça, super talent. Et lui, il était venu avec Nawel Madani. Nawel Madani, ouais, exactement. Ah, absolument incroyable. Je crois que la vidéo avait fait un carton, 1 million de vues, 3 millions même. 3 millions de vues, c'est quelqu'un qui est super talentueux. Je l'ai ramené au studio. Il a pris son train avec son petit sac à dos. Il est de chez toi en plus. Il est de chez moi, ouais. Donc voilà, c'est ouais, non, à côté. Donc voilà, super bon talent. À 15 ans, il écrit ses textes. C'est lui qui a fait le refrain, c'est lui qui a tout fait. Franchement, reste pas à toi, mon petit Marvin. Eh ben, on écoute maintenant Marvin. Grosse dédicace à lui, justement. Venez danser, c'est l'heure de faire la fête. On danse pendant des heures à se la péter. Vu que je suis de bonne humeur, c'est l'heure. Vu que je suis de bonne humeur, c'est l'heure. J'ai mis le feu dès mon entrée. À présent, si tu sais pas danser ou chanter, sache que sur ce son tu vas t'ambiancer. Tout se passe bien sur la piste, mais t'es le bienvenu si t'es pas sur la liste. Tiens, dis-moi ce que tu veux teaser. Moi, je bois pas d'alcool, je me dégomme, moi, chapeau miré. Oups, pardon, je t'ai bousculé, passons. La prochaine fois, je ferai gaffe, je retiendrai la leçon. Et j'espère que tu vis la soirée à fond. Et Jeffrey, remets-nous des glaçons. Mets-toi bien, t'as peu le déhancher. Si t'es arrivé, Marvin, personne viendra te Chalon, la ZUF. Fais pour plonger dans ses pensées. Le stade, ouais, donc, venez aïe aïe, ça dit quoi danser, il a que 15 piges. Il rappe mieux que ce 30 piges. Aïe aïe aïe. Des heures à se la péter. Vu que je suis de bonne humeur, c'est l'heure. Vu que je suis de bonne humeur, c'est l'heure. Petite soirée dans la lourdeur. Les miss essayent d'éviter les losers. Que tu sois grand ou petit, viens, tu vas te mettre bien sur la piste tout en douceur. Je le répète, venez, venez, venez danser. Ouais, c'est la fête ce soir, pourquoi t'es figé? Mon gars, t'es bête ou quoi? Tu vas te faire figer. Soit t'es nous du nous joue, soit t'as pas figé. Et sur la piste, track, ça joue les bad boys. Petit nerveux se prend pour Joe des Dalton. Je vois des jeunes filles qui ne font que les patronnes. Des fois, je me demande si certaines sont pas folles. La cote, tout le monde en raffole. Et de ça, moi, j'en ai ras-le-bol. Dépêchez-vous, venez danser, car là, c'est l'heure. C'est que le début, n'en faut pas que tu t'affoles. Venez danser, c'est l'heure. L'heure de faire la fête. Pendant des heures à se la péter. Vu que je suis de bonne humeur, c'est l'heure. Vu que je suis de bonne humeur, c'est l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Me dis pas que t'es fatigué. Y'a 2 secondes, je te voyais danser avec celle sur qui t'as kiffé. À qui t'es en train de raconter des mythos? Tu l'as fixé, te cache pas derrière le rideau. Allez, viens danser au lieu de vider ton frigo, Nico. Ici, y'a mieux à faire, wake au bistrot, distrait. T'inquiète, tu repartiras avec des bigots, j'y serai. Tu me verras sur la piste, pas sur le déco. Tu sais que ce soir, y'a que du lourd. Donc, rien ne sert de parler. Avec les potos, on fait les fous. Là, je chante, ça y est, personne peut me faire taire. Venez, venez chanter. Rien qu'on danse sur la piste, on est pépère. Venez, venez danser. Venez danser, c'est l'heure. L'heure de faire la fête. passe pendant des heures à se la péter, vu que je suis de bonne humeur. C'est la vie, vu que je suis de bonne humeur. C'est la Hamida, remets-nous du bon son. Hamida, remets-nous du bon son. Le Planet Rap, DJ Hamida, mix party à l'instant. Dans le Planet Rap, il y a ce morceau. Venez danser avec MN du 7-1 Marvin, qu'on salue c'est une ça. Fois de plus. Et pareil, qui doit bosser aussi de son côté, sérieusement, c'est ça. Je pense. Il est en train de bosser un EP là, de ton côté. Avec Kevlar ce soir, avec Yasmine, avec Younes et Bambi qui sont là. D'autres invités aussi à nous présenter. On a Kalcha aussi qui est là derrière nous, mon grand frère. C'est le frangin. C'est le frangin. On connaît le frangin. Soit t'es riche, soit t'es pauvre. Bienvenue au Maroc. Allez. Hop. Younes, il ressemble à Krillin dans Dragon Ball. Depuis tout à l'heure, je l'observe, on dirait Krillin. Je la sors déjà dans mon spectacle. C'est du plagiat en direct, messieurs dames. Non, c'est téléphoné, t'es fou. Bon, comment ça va, Fredo? Bah, ça faisait un petit moment en plus. Ouais, mais là, bah, en même temps. On n'est pas trop sur Paris, donc ouais. Quand on est là, on passe te voir. T'es pas sur Paname? Non, non, je suis pas sur Paname, je suis dans le sud, je suis à Nîmes. D'accord. D'ailleurs, dédicace à la Zup Sud, Zup Nord, Chemin Bas, Mas de Mainclou et Cartier. Depuis tout à l'heure, je reçois des messages. Donc. Et bon, salut tout Nîmes. Soukara, Imed, Chicha, tout le bordel. Voilà. Et toi, ça continue? Tu fais quoi là en ce ouais, moment, bah là, ça y est, j'ai voulu me mettre dedans, je crois. Donc, je suis en train de préparer mon album. Déjà, tu me disais ça la dernière fois. Ouais, mais t'as vu. Je me souviens que le dernier mix party, tu m'as dit là, je prépare un truc. Ouais, mais tu me connais. Ah ouais, t'as eu pas le temps des fois. Donc là, t'as pas eu le temps. Non, là c'est bon, on est rentré en studio et tout, on commence et tout, c'est propre. Le frangin, nickel. Il va filer un coup de main forcément. Ouais, non, c'est moi qui lui donne des coups de main, personne ne sait. C'est moi. Eh ben, bienvenue en tout cas. Je te remercie, Fredo. Le Planet Rap qui continue avec DJ Hamida, on continue, il y a du monde, je vois qu'il y a des musiciens qui seront là en live ce soir, c'est. C'est une grosse surprise. Waouh. Ça, c'est une grosse surprise. On attendra la fin. On dira. Voilà. J'ai encore un autre invité. Vas-y. Qui est le CK. Bah oui, il est de l'autre côté, le CK. Il est dans les couloirs, il cherche un airplay, c'est par ici. Bienvenue dans ma Ouma. Il est dans le carré VIP. Il veut pas venir. Donc il y a le CK aussi qui a fait un morceau. Et le CK qui est présent sur quoi? Trois morceaux. Sur la mix party. Et j'ai eu beaucoup de retours vis-à-vis de Je danse quand même, de très très bons retours par rapport à ce morceau qu'il a fait. Et le voilà, et le CK. Joyeux anniversaire. Et le CK. Ah mais là si tu dis bonjour à tout le monde, on n'est pas arrivé le CK. Hein. Non, j'ai dit bonjour à tout le monde, ça va ouais. Il a dit que cherchait un airplay ce gros là. Ouais. C'est très très grave. Il a dit des trucs pas bien. Hein. Et surtout t'as pas entendu. Bonsoir, comment ça va Fred? Et toi hein? Tu vas bien? Bien, trois. Ouais, t'as quand même trois morceaux sur Mix Party. Bah moi c'est l'habitude. Hein. Mais j'en parlerai plus sérieusement vendredi. Je suis juste venu. Pour faire un petit coucou aux frérots ce soir. Ah voilà. Et après tu te casses? Ouais non, je suis là, je suis en famille, il y a Kalcha, ça me fait plaisir. En fait Kalcha, ce qu'il voulait pas dire, c'est qu'il a arrêté l'album parce qu'il bicrave des voitures, c'est pour ça. Ouais mais je gagne plus d'oseille que ça. Donc voilà. Ouais, je gagne plus d'oseille que tous les artistes, moi je dis. Avec une voiture. Avec une seule voiture, voilà. Avec donc, une voiture, je gagne plus que le rap voilà, français. Si vous voulez, vous voulez des voitures, vous allez sur le compte de Kalcha Meknesi, voilà. Bien et puis voilà. Non, je suis juste passé faire un petit coucou. Voilà, on a trois morceaux et vendredi on va en parler plus. Et ben, on en parlera plus en détail. Voilà. Juste fais un petit bisou à Mansley qui est en prison. Ah bah on sait. Voilà, Mansley, voilà je te fais un gros bisou et tes potos qui sont avec toi là-bas. Voilà, gros bisou à toi. Bon, salut Mansley. Voilà. J'espère qu'il sortira rapidement. Le son sur Skyrock, qu'est-ce qu'on fait? On met un petit morceau de Mix Party? Si tu veux, Celebrate avec Yasmine et Mike Lucas et Cheb Amir. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'il n'est pas encore arrivé le morceau, je crois. Non, il n'est pas arrivé. On a Je danse quand même. Ok, magnifique. Je danse quand même. Ah bah voilà, avec le CK. Il est là. Et Yasmine, ne t'inquiète pas, on est en train de récupérer ton morceau, on l'écoutera dans un instant. Y'a plus rien à faire. Je voulais faire un beau clip dans une boîte à ouais, Mansley, Dubaï ou Punta Zal, Komé et Jimmy. Comme ça, je reviendrai comme un loser. Les gens sont mauvais. Oui, mauvais. Les gens sont mauvais. Oui, mauvais. Les gens sont mauvais. Oui, mauvais. Ouais, Nounours. Les gens sont mauvais. Raïs. Oui, mauvais. RJ. Je danse quand même, je danse quand même. Pas de thunes, pas d'essence, pas de meuf, je danse quand même. Je danse quand même. Les impôts arrivent, la Galil. J'voulais inviter Nicky, viens la Habibi. Ou la femme de Jay-Z. Dans mes rêves, j'ai rien compris. Qui est dispo à part Jenali? Oh my god, oh my god. Mes voisins m'espionnent. Rien à faire, je fais genre tête en l'air. J'suis du père, j'ai la flemme quand. Et dédicace au Bonabitch ce soir, mauvais. Grand loup-garou là-bas. Oui, mauvais, les gens sont mauvais. Oui, mauvais, les gens sont mauvais. Saoulé, oui, j'suis jamais sans saouler moi. Les gens sont mauvais. Oui, mauvais. Six or nine. Je danse quand même, je danse quand même. Pas de thunes, pas d'essence, pas de meuf. Je danse quand même, je danse quand même. Les impôts arrivent, la flemme. Je dépense quand même, je dépense quand même. Elle me trouve mignon, mais con. Je pense comme elle, je pense comme elle. Je fais pitié. Endormi à moitié. Pas de projet. La vie m'est décrochée, hey. Maman veut me jeter, hey. Le pôle emploi m'a raté, hey. Je traîne plus au quartier, hey. Maintenant c'est la MJC, je sais. Plus je me néglige dans cet art, je me rapproche du c'est trop tard. Pourtant on demande peu de choses, juste un féfé et une Audemars. Beaucoup te sourient par intérêt, où est leur tort, on a tous un frigo. Je veux juste rendre mes parents fiers, ensuite promis, je tire le rideau. Pour oublier mes problèmes, je danse quand même, je danse quand même. Pas de thunes, pas d'essence, pas de meuf, je danse quand même, je danse quand même. Les impôts arrivent, la flemme, je dépense quand même, je dépense quand même. Elle me trouve mignon, mais con, je pense comme elle, je pense quand même. Pour oublier mes problèmes, je danse quand même, je danse quand même. Pas de thunes, pas d'essence, pas de meuf, je danse quand même, je danse quand même. Les impôts arrivent, la flemme, je dépense quand même, je dépense quand même. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec DJ Hamida. L'album est sorti lundi, Mix Party 2015. C'est ça. Avec beaucoup, beaucoup de monde ce soir dans le studio. Il y aura donc un gros live qui se prépare d'ici quelques minutes. C'est ça. À pas louper, il y avait Je Danse Quand Même et le CK. Le CK, qui est dans le coin aussi, qui se balade. C'est ça. Et du live, loupez pas d'ici quelques minutes. Avec un peu tout le monde en live ou... Ouais, donc on aura Kevlar dans le live, on aura Yasmine, on aura Kacha. Younes Bambi, un petit freestyle ou voilà, pas, les gars? Voilà, c'est ça. Aïe, aïe, aïe, quand tu vois, ouais. Ils seront dessus aussi. Et après, on aura vous êtes chaud, les gars, vous allez balancer du 16? D'ici là, quand tu veux. Ok, bah dans un instant, bougez pas. C'est ça. Et bah ne bougez pas dans un instant, le retour du Planète Rap avec DJ Hamida, c'est juste après ça. On va faire du ménage dans le rap français. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit DJ Hamida pendant une heure complète ce soir. Planète Rap. Planète Rap, DJ Hamida. C'est DJ Hamida au contrôle de Planète Rap avec Mix Party 2015 et beaucoup, beaucoup de monde. On t'entend pas, Hamida, pourquoi? Ah. Là, on m'entend. Voilà, là, on t'entend. Beaucoup, parfait. Beaucoup de monde. Ça va? Très, très bien. De ton côté, là-bas, là où ouais, tu te trouves. Très, très bien. On va attaquer les lives très rapidement parce que ça y est, là. Ouais. Une arrivée massive dans le studio. Une arrivée massive. Tu veux présenter un petit peu? Ouais, je vais présenter. Donc de ceux que j'ai pas présentés, là, j'ai un très très bon pote à moi qui vient tout droit de Bruxelles, qui s'appelle Ilias et son groupe c'est Tiou Tiou. Donc big up à Bruxelles, big up à la Belgique, à tous ceux qui nous soutiennent. Et je les ai invités, ça fait la deuxième fois que je les invite sur mon album. Et c'est des gens très très talentueux. Voilà. Et ben on pourra découvrir leur talent d'ici quelques minutes. Y a pas de problème. Et je crois que nous avons un coup de fil maintenant en direct. Il me semble du Maroc, mais je suis pas totalement sûr. On va, ouais, ça dit quoi, on va demander la confirmation tout de suite. Allo, allo, allo. Ouais. Ça va ou quoi, l'équipe? Aïe, bim, bim. C'est monsieur Bim, bim. Aïe, c'est monsieur ça, on bim, est là, bim. Mon sauce. C'est bim, bim. Ça va, la famille, ça va, Fredo? Ça va, et toi, t'es... J'ai l'impression que t'es... J'ai l'impression que t'es à côté, bim bim. Ça tombe bien, tu me dois 50 €. C'est Fouad. Ah, et le CK, tu lui dois 50 €, ouais. C'est lui qui me doit 250 €. Ah bah. Enfoiré de merde. Bon, vous avez trouvé un arrangement, tous les deux. Ouais, non, tranquille. Bim, bim, j'ai trouvé la bite, t'inquiète. Où es-tu? Que fais-tu? Qu'est-ce qui se passe? Bah là, je suis à Marrakech. C'est on est pas mal. Tourné un clip avec Mister You et DJ Rice. Et donc voilà quoi, on est en mode tournage de clip en ce moment et voilà quoi. Il est où le Shumkal? Il est où le Shumkal? Il est avec toi? Ah, je sais pas, poto. Et tu connais, hein, lui, à un moment, il est là. On était en train de fumer une chicha. Il a dit, bouge pas, j'arrive. Et jamais je ne l'ai revu. Oui, You, c'est un peu ça. C'est, tu, ouais, vois, là, tu sais qu'on doit appeler, il me dit, mais tranquille, je suis là dans 5 minutes, t'inquiète, il est pas encore 20h. Tu connais ce que l'étape s'écrit. Et ça fait déjà 2 heures en fait. Ça fait déjà 2 heures qu'il t'a dit, j'arrive dans 5 minutes. Ah ouais, c'est une galère la vie. Bon, Amida, un petit mot sur Bim Bim. Bah, Bim Bim, très très bon pote à moi aussi qui a participé à la, à la mixtape là. Donc j'aurais bien voulu qu'il soit là ce soir, mais dommage, il est au Maroc. Bah, il préfère. Voilà, il a fait le morceau avec Kalcha et Yasmine dans toute la night. Eh ben oui, ah, on a posé en famille. On a posé un gros morceau en famille. C'est ça. Il faut savoir que Hamida et Kalcha, c'est la famille, tu vois. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Moi, je rappe pas depuis longtemps, mais je suis dans le game depuis longtemps. C'est vrai ce que j'allais dire, parce que Bimi, moi, j'ai toujours vu accompagner des artistes. Ouais. Il a fait des connexions pas possibles dans le rap. Ouais, la vie avait de l'oseille à prendre, je crois. Et là, d'un seul coup, ça fait combien de temps que tu rappes maintenant, Bim Bim? Moi, je rappe, ça fait environ un an déjà. C'est ça, avec, non, on a commencé un album avec Titi Abdel, à qui je passe un grand, grand salam aussi. Et donc voilà, quoi, il y a des choses qui se préparent lourdes. Et cet été, Inch'Allah, vous m'entendrez un peu partout, sur toutes les compiles. Et voilà. Quoi, et bah, déjà là, on peut t'entendre sur la Mix Party 2015 de DJ Hamida. Ouais. Bah, ouais, et bah, merci à toi, Bim Bim. C'est un gros projet, on a répondu présent. Et en même temps, c'était un peu normal qu'on soit dedans, quoi. Et, comme dit Kacha, dans le morceau. Voilà quoi, on a fait un morceau en famille. T'as capté? Merci à toi en tout cas, Bim Bim. Vas-y, Bim Bim, garde la pêche, mon gars. Et tu salues You si jamais tu le rends. Rendez-vous demain, Bim Bim, viens me chercher à l'aéroport, gros. Vas-y, donne-moi l'horaire, envoie-moi un texto. Ouais, je pars demain. Le mec, vous êtes bien là. Vas-y, archi bien. Vas-y, je vous embrasse tous. Ciao, ciao. Un grand salut à tout le monde, à LCK, à tout le monde, à Kacha, à Hamida, à toute la famille. Il y a Younes et Bambi, tu dois peut-être connaître aussi, qui sont en comédie. Younes et Bambi, ouais, Younes Depardieu, ouais, je le connais. Ouais. Younes Depardieu. Je l'ai croisé une fois en studio, il m'a bien fait rigoler. C'est le fils de Gérard. Il a fait des blagues, en Ingala. Il m'a tué ce jour-là. Ah là, Younes et Bambi, il y a Kevlar qui est là, il y a Yasmine qui est là aussi, que tu pourras découvrir dans un instant en live. Merci. Ouais, si, j'ai fait un morceau avec elle, mais je l'ai jamais vu. Mais bon, elle a une voix de ouf. Machallah. Merci à toi, Bim Bim. Vas-y, je vous embrasse. Et salut You, si jamais t'arrives à le recroiser. Ouais, celui-là. Je suis avec lui dans 7-8 minutes. Ouais. Je lui dis que t'as loupé le phoneur en forêt. Donc dans 24 heures, ok. Il a grillé. Vas-y. A plus. Ah ouais. Autre coup de fil cette fois-ci, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être un peu moins, mais qui s'appelle Minem de Caen, qui nous appelle pour faire un freestyle par téléphone. Aïe, ouais. Aïe, Minem. Ça va bien, Minem de Caen? Salut. Est-ce que tu es prêt pour le freestyle par téléphone, Minem? C'est bon, je suis prêt, y'a pas de soucis. Et bon, t'écoutes mon pote, c'est parti. Ok, ça marche. Yo, M-I-N-E-M. Ça fait 1. Yo, du haut de mes 18 piges, je vois la vie s'écouler, ça se réfugie dans la tisse. Et je vois mes potes s'écrouler, je vais finir par déconner. Par mon heure à sonner, j'ai pas le temps de partager. Dans mon coffre et sous scellé, dites-moi comment faire. Je suis perdu dans ma tête, on me dit de redescendre sur terre. Mais moi je crois que je rêve, j'écoute personne, je fais le sourd. Je vis ma vie au jour le jour, à peine j'arrive en cours, j'ai peur à la prof dès le premier jour. Hey, je me présente en chantant, en chante et c'est Minem. Je kick méchamment, les gens m'appellent Eminem. Je suis invincible, déterminé, donc bon y'a rien à faire, faudra m'exterminer. Si tu veux ta place dans le game, tu veux des punchlames, personne n'envoie des tonnes. Et si tu veux des sous, sale d'arras, j'en ai plein les poches. Une fois, ma mère m'a dit, mon petit, tu finiras seul tout. Moi j'ai besoin de personne, limite je me suis fait tout seul, ouais. Je suis comme un sac de frappe, poteau, j'encaisse à coup sûr. Fais pas aux apparences, tu risques de te prendre un coup sûr. La vie n'est pas une chance, du moins c'est ce que j'en pense. Je suis pas bien dans ma tête, enfin ça c'est ce que les gens pensent. Alors je vais reprendre depuis le début, tellement. Enfin y'a des fois, ouais, je suis perdu surtout. Il faut me le dire si ça te perturbe. Dans ma tête ça tombe pas en putain, c'est dur. Dur. Yes, Minem à l'instant du côté de Caen en freestyle par téléphone. Merci à toi, Minem. Ouais. On peut te retrouver sur le net, on peut te suivre quelque part. Vas-y, balance ouais, les infos. Ouais, donc mon Facebook c'est Arthur Costella. Et sinon, on peut taper Minem sur internet, mon blaze, voilà. Et puis une petite dédicace à mes potes, ma famille qui m'écoute, ma copine. Donc voilà. Ok, merci à toi, Minem. Salut. Ciao, ciao, passe une bonne soirée. Est-ce qu'on est prêt maintenant pour le live, Amida, le live de Yasmine? On est prêt. Yasmine, tu es prête aussi? Je suis prêt. Yasmine, le morceau qui s'appelle Celebration. Celebrate, d'ailleurs, tout courant. Featuring avec Mike Lucas. Moulin Vert, Vitry sur scène. Big up à toi, poteau. Allez, c'est parti, on y va en live maintenant. DJ Hamida, mix party. And I'm called you, baby. I don't know what I did to you. I said I can't live without you. I'll wait you, darling. Wait you, darling. No. You told me I'm the only one. You're up enough to know. Old enough. tonight. Close your eyes and let you go. Just one more time. I need to know. Cause I wanna celebrate. Baby, just take me away. Avec Hamida, faire que je m'en on voit la mer soleil, que ça y se l'idée. Sur la piste, on gère, n'est pas là pour se taire. Mets le feu à ta soirée. On a les remplis. Les plus jeunes, les plus beaux font le thème de la soirée. Mon casse au sourire sur la piste, un peu boire. Sous Gijar, depuis 13 ans, ma gueule. Puis tes sourcils, mon mot Jackson Michael. Sous en personne sur tes côtes. Ma fille, ce cousine, ramène tes plus belles bingo. Sur mon 31, je suis cause beau. C'est magique ce soir. Appelle-moi El Magnifico. Need to know, cause I wanna celebrate. C'est qui c'est? Le regard épicé. On va les traumatiser. On va s'alcooliser. T'as DJ Abdel. C'est jour de la paix. J'envoie des gauches, droites. J'envoie des esquimaux. Je pourrais vendre une glace à un esquimau. C'est tous des rigolos, je vais du 9-4. Vérolo. Comme des gigolos. Baby, I don't know. I don't know how I feel. Something's wrong with me. Yeah, but I'm reaching out to you. Don't know how you feel. I'm just gonna be crazy. Wesh, moi du mouvement. Now, it's time to make you move. And feel the line, oh. Will you give me your hand? Oh. Why don't you let me join you at midnight? I need you tonight. Enzo, I wanna make your move. Look at me, feels right. Now you know my name, call me maybe. Ouais, y'a Bambi aussi. Y'a pas Younes. Yeah. Et y'a le gros loulours. Yasmin. Ouais. La bordel là, on la bordel ce truc, le bordel là. Y'a rien là. Et je m'ambiance toute la night. Je m'en bats les steaks, j'ai rien écrit et je m'ambiance toute la night. Je m'en bats les reins, j'ai pas maigri, pourtant je bois que du light. Avec Bim Bim, on est écrit, on cherche à faire de la maille. 2015, c'est là que l'histoire s'écrit. De 2015, Eric Pégèche, le Marocain. J'arrive avec mes potes, on est tous des coquins. J'écris des putains de textes, pourtant je lis pas de bouquin. Je kiffe trop la musique, là ça me ramène un bout de pain. Bim Bim et Yasmin, avec Kalchat. Le morceau fait pas de mine, tu sois fine ou une bagra. T'es la bienvenue chez nous, y'a pas de hagra. Allez le chercher. Saïd Bogota Kevla. Saïd Bogota Mix Party 2015. Kevla. Kevla. Mix Party 2015. DJ Hamida. Allez viens qu'on se marre des speed. Marre de la grisaille. Fini la routine, allez viens qu'on style. Calcule pas l'heure, le jour ou la night. Claque tout ton salaire, vas-y kiffe la life. Prends ton jean pour un short au réveil. Profite de la sieste au soleil sur la playa. Fin cocktail, ice cream, sa papaya. On va la tête, tu es avec tous mes gars. Va poser au calme. Sur le crâne, la température monte et on jette au salaud. Chicha sur la table, les pieds sous le sable. Couche de mon oeil sur le torse et sur le dos. Des barres de rire, des barres de lol. Ce soir on gagne, mais c'est sans alcool. Et jusqu'à l'heure, on voit le refrain, faut qu'on s'envole. J'en ai marre d'esprit toute l'année. J'ai besoin de partir ailleurs. On va foutre le fire. Dubaï, Meknes, Miami, Marrakech, kiffe la chaleur. DJ Hamida, au platine d'ambiance jusqu'à pas d'heure. J'ai plein de soucis, le camo c'est de sortie. À la Via Mix Party, le style de Meknes. Morocco Gangs, c'est moi sang qui rince. Paré pour la guerre, papa paré pour l'ambiance. DJ Hamid a nommé ça. Minimum le petit pas danse, toujours ma ça. Que des bêtes de les soirs. C'est à la D, je serai marre d'être speed toute l'année. Dédicace à la Stas. D-E-V-E-Z. Ami, Samos, Gigi. Aïe, Chicha, le soukara, hein, c'est le QG. Hamida. Wesh, Aïmé, wesh, Nordine, enfoiré. J'ai envie de me barrer toute l'année. Faire en sorte de tout oublier. Sur ce son, viens, je vais te faire planer. Faire le vide et puis s'évader. Si t'as pas les mots. Jusqu'au lendemain. Et DJ Hamida X Party. Le CK. K-E-V-L-A-R. Et DJ Hamida. Wesh Chamo. J'en ai marre des speed toute l'année. J'ai besoin de partir ailleurs. Je passe prendre du liquide cet été. On va foutre le fire. Doudoudoudoudoubaï Meknes Miami Marrakech. Kiffe la chaleur. Speed toute l'année. Aïe, salut la France mon gars, dommage me barre. Balance la sauce. DJ Hamida, DJ Hamida, 2015. Wesh Blondie, wesh Younes. Dédicale Chamine. Wesh Béziers, c'est comment? Younes deux par Dieu. Eh Bambi, je vous prends deux par deux. Belaise, belaise. Eh le bordel. Ça pue la parano. Ta meuf elle se fait serrer par un autre. T'écoutes pas ta mère, tu dis c'est par amour. Tatouage sous la cuisse, tu dis t'es trop glamour. Chétane, j'ai vu des gitanes tourner en bécane. Chétane, j'ai vu des gitanes tourner en bécane. Ils ont voulu nous salir. Je suis pas Charlie, je suis le fils à Andy. Le fils à Andy. La France elle valise. Moi je prépare mes valises. Salut la France, je me suis barré. Ouais, j'suis pas mais je suis pas taré. Ouais, le rire. Salut mon putain, t'as enfoiré. On dirait que le 5 juin. Aïe aïe aïe. Le 5 juin. Je suis pas mais je suis pas taré. J'ramène mon putain, t'as enfoiré. En direct de Phuket et de Pattaya. J'ai pas le temps avec vos conneries. Ouais. J'cherche pas de meuf, y'en a qu'une que j'appelle Omri. Ouais, le rire, le 5 juin. Des meufs dans mon clé, pour moi, c'est chez moi. J'essaie d'avancer, pousser la chansonnette pour vous disqueter. Ma bouche à neige. J'essaie d'avancer, pousser la chansonnette pour vous disqueter. J'ai déjà marlé les méhabettes. Rien à foutre des cons de fées comme la belle et la belle. Il est refait qu'à le chat. Je dis qu'il fait. Je regrette mais il fait mais. Salut la France, je me suis barré. Barré. Je suis barré mais je suis pas taré. Ramène mon putain de flotte enfoiré. En direct de Phuket et de Pattaya. Salut la France, je me suis barré. Je suis barbu mais je suis pas taré. Il est pas taré. Ramène mon putain de enfoiré. En direct de Phuket et de Pattaya. Aïe aïe aïe. Hey Younes. Salut la France, je me suis barré. Je suis barbu mais je suis pas taré. Je ramène mon putain de enfoiré. En direct de Phuket et de Pattaya. Aïe aïe aïe. Hey wa. Le Skyrock c'est le Delphine. Aïe aïe aïe. Quel chat que tu mec une assiste. C'est le Maroc en direct de Skyrock mon pote. DJ Hamida. Hey, waouh. Mahali Goudri. Yeah, yeah. Mahali Goudri. Qui toi t'es founette. T'es founette, t'es founette, t'es founette. Yeah, yeah, wow, wow. Dédicace à tous les chleurs, les gars. Pour tous mes chleurs. J'me suis barré. Ouais. Dédicace à la Kabylie. T'as faute enfoiré. En direct de Phuket et de Pattaya. Salut la France, j'me suis barré. J'suis barbu mais j'suis pas taré. J'ramène mon putain de faute enfoiré. En direct de Phuket et de Pattaya. Big up à tous les chiens. Yo tiu tiu. Yo tiu tiu. Yo tiu tiu. Yo tiu tiu. وكان الجوق معنا. Allez. Du volume, Faisal. Khater Kerim. Khater Pauline Duarte. Rien. On y va. We'll be right back. Je pense que nous avons perdu des émetteurs à Béziers. Du bruit, s'il vous plaît, pour Chiouti ou de Bruxelles. Du bruit pour Chiouti ou de Bruxelles. Oh, Chiouti du Bruxelles. Chiouti du Bruxelles. Molenbeek. Bravo. Merci, bravo. Te présenter. Amida, Amida, est-ce qu'on t'entend bien? Attends, oui, on m'entend. Yonel, très bien. Radio Orient. Ah bah là, c'est... je viens de signer. Radio Bagdad, je viens de signer pour la rentrée. Raccord mouchoir. Amida, Amida, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, raccord. Ilyes, du membre du groupe Tiouti à Bruxelles. Ilyes, tu nous as régalé. Merci. Avec toute l'équipe, bravo une fois de plus. Merci, respect. Bravo, bravo. Les mille et une nuits là. Vous êtes combien d'ailleurs tous ensemble? On peut. On est. Bon, là, on n'est pas vraiment au complet. C'est une petite équipe là. C'est bien. On est 10, on est 10. Une dizaine? Voilà, ouais. Et on peut vous retrouver, on peut vous suivre quelque part. On peut avoir des. Sur Facebook. Faut aller taper quoi? Tiou-tiou. T-I-I-W. T-I-I-W. T-I-I-W. Eh ben, je crois qu'on était au Maroc, non? On y était là. On était en plein. Moi, j'ai vu les cornes de gazelle, moi. Ouais, moi aussi, j'ai tout senti là. Ah, ça sent les épices, là, ce qu'il y a. J'ai vu la guillée, moi. Fait que Dieu a rien. Vu l'attention de mec. Merci en tout cas. Dédicace à tous les Marocains. Gamoline, Benim Lel, Meknes, Meknes, Tizan, Tuadis, Batou. Dimarajan, Dimarajan, Tajan. Et Amida, juste un mot par contre, avec tous les musiciens qui sont venus. Toi, t'as bossé avec eux aussi sur le projet. Ils sont sur Mix Party. Ça fait deux fois qu'ils apparaissent sur le projet. Donc étant donné que je suis beaucoup sur la Belgique, je vais souvent les voir et je les crois dans le studio. Donc c'est comme ça qu'on a fait les morceaux ensemble. Ils sont belges en fait, c'est, oui, c'est une tradition belge. Ça de Belge. Je me suis planté en disant Maroc, mais non, c'est une tradition belge qu'on a connue ce soir. Très très connue sur la Belgique. Eh ben merci à vous en tout cas, et on ira suivre T-I-I-W. T-I-I-W pour avoir plus d'infos sur le groupe qui était là ce soir en live dans le Planet Rap. Merci à vous tous en tout cas pour cette belle soirée. Hein. Younes Bambi, c'est bon ou pas? Merci. Ouais, franchement, big up à tout le monde. Merci à toi, Fred Musa. Merci à DJ Hamida. À Kacha, Inch'Allah, que l'album il se vende bien. Inch'Allah. Comme ça, on aura un bon pourcentage. Inch'Allah. Ouais, qu'on a un bon frais, t'inquiète. Inch'Allah. En tout cas, big up à un bon frais. Et big up à Châteauroux, quartier Saint-Jean, et ils se reconnaîtront tous. Voilà, big up et à vous tous. Allez voir donc l'arabe et le juif sur scène, c'est Younes. Vous allez vous régaler. Et Bambi. Vous allez vous régaler. Je pense le vendredi, samedi à 21h30. Au Comedy Club. Au Comedy Club, avant de partir en tournée à Mont-Soleil-Mines. Ah, ça l'en prend lui. À Béziers. Participe à ce Planet Rail, c'était merveilleux. C'était bien. C'est un planète chabé, c'est pas du rail. Merci en tout cas à vous. Merci. Eh ben, on va faire le tour de table. Kevlar aussi, merci. Petite dédicace. Petit message à passer. À DJ Hamida. L'album il est dans les bacs, allez le chercher. C'est une dinguerie, c'est juste lourd. Et je viens de passer une très bonne soirée avec le groupe Tiltiou. Ça fait. Ouais, bien, on était bien. Et je voudrais passer une dédicace à Béziers. Ah. Ah ouais, et au maire de Béziers. Au maire de non, Béziers. Pas lui. Non, pas lui. Non, pas lui. Non, mais à tous les autres. Mais à tous les autres, à Faisal, à Amin, à La Devez, mon quartier, à la Stas, à tout le monde, et allez chercher l'album. Allez chercher l'album. Et ben merci à toi. On continue ce petit route, mademoiselle. Merci d'être passée aussi. Merci à vous. J'étais très contente d'être là. Et je voulais juste dire aussi mon Facebook officiel, c'est Yasmine Y2SMIN apostrophe officiel. Et vous donc Yasmine aussi, officiel. Ouais, également. Et Instagram, c'est quoi? Yasmine officiel, tout attaché. Bah parfait. Voilà. Merci Yasmine d'être passée. Frangin, ça part demain, c'est ça? Ouais, ça part demain, je vais rejoindre You. D'ailleurs, qui vient de m'envoyer un message. C'est bon, je suis là, vous pouvez m'appeler. Mais bon, bah, trop tard. Trop tard. Bah, dans la semaine, ouais, demain, on t'appellera quand tu seras. Vas-y, c'est bon, vous m'appelez demain, il n'y a pas de souci. Ou en fin de semaine, ici, pas de souci, gros, pas de souci, tu sais comment ça se passe. Merci à vous tous. Amida, le rencard demain aussi, entre 20 et 21, à pas louper. Et juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre le nouvel album de Youssoupha. Plus 50€ de chèque cadeau. On vous met bien, non? Allô Perrine, comment ça va Saint-Thierry dans le 51 Perrine? Salut Fredo. Ça va en pleine forme Perrine? En pleine peau, ouais. T'es où? T'es avec toute la famille, il y a du monde autour de toi, il y a des proches, j'ai l'impression que ça s'agite derrière toi Perrine. Ouais, je suis avec toute ma famille, on est à l'apéro. Ah bah, c'est pour ça que ça s'agite. L'apéro. Mais c'est là, c'est parfait. Il y a quoi à boire à l'apéro là, il y a quoi? Ah ouais, bah ça a bien... À mon avis, ça a attaqué, il y a déjà une bonne heure là. Non, même pas. On est au champagne. Ah bah, c'est parfait en plus pour fêter la roulette qui va tourner avec toi Perrine, on y va. Voilà. Allez, dès que tu veux, tu dis stop. J'aime cette idée qu'on nous écoute avec l'apéro et tout, Perrine. Tout ce qu'on aime. Et pour toi, l'album de Youssoupha est 50€ en chèque cadeau qui arrive à la maison dans le 51 pour acheter ce que tu veux avec les chèques cadeaux. Eh ben super, merci à toute l'équipe Skyrock. Eh ben je te fais des bisous, ben salut tout le monde avec toi, Perrine. Bah merci, et est-ce que c'est possible de faire une petite dédicace? Vas-y, on t'écoute. Ah bah c'est une petite dédicace à mon frère qui est passé aussi à l'antenne ce matin, puis qui a gagné, puis à toute ma petite famille qui m'entoure. Eh mais comment vous avez fait? C'est toute la famille qui gagne. Vous avez filé des bifetons à des gens de l'équipe? Eh non, même pas, c'est de la chance. Je vais surveiller tout ça. Bon bah bravo, bah salut à toi Périne et un petit coucou au frangin. Ok, ça marche, gros bisous à toute l'équipe Skyrock. Et merci Amida, merci à vous tous pour cette belle soirée. Merci Frido. Alors, tu n'as jamais vu ou quoi? Ah bah c'était inédit. Inédit, ouais. Inédit. Merci à vous en tout cas, merci à vous tous demain. De l'inédit encore demain. Ouais. À pas louper, entre 20 et 21. Club Dinor. C'est fou Amida, j'ai l'impression que tu sais même pas toi-même en fait. Si. Big up Brandon. Ouais, pas de soucis. Et on va retrouver D-Fool et toute l'équipe maintenant, c'est l'heure de la radio libre. Et ouais, on est là. Ça va? Ouais, D-Fool, ça dit quoi? Ça va bien? T'aurais dû venir. J'ai entendu cette ambiance. J'ai entendu les Gnawa, ouais. J'ai entendu les Gnawa, Maria. J'ai entendu. Ah, tu chies là, on sait bien. Voilà, grosse ambiance. Younes, c'est celui qui chante Burgle Tassam sur le net? Younes, ouais. Ouais, c'est lui. Il est là, Younes. Burgle Tassam, comme tu es bon, D-Fool. Je fais bien le turc. Hein. Elle t'a dit que tu faisais bien. Il faut que tu mettes le casque. Ah bah oui, forcément, il ne peut pas l'entendre sinon. Sinon, on va parler d'Aziz. On va commencer à parler d'Aziz en direct. Il t'a dit que tu chantais bien en turc. Merci beaucoup, c'est gentil. Que Dieu te garde. Merci. Merci. Faire un extrait. On veut un extrait. Allez, fais-nous Burgle Tassam. Attention. Younes, en fait, il reprend des morceaux sur le net. Des morceaux français. Et les faits en turc, ils sont super. Ah, c'est mortel, ouais. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que je suis en direct sur Skyrock? Toute la France m'entend? En direct dans le monde entier. Alors, je vais vous faire un petit freestyle en turc. Ah, vas-y, envoie. De l'insangue de bêche, les bonhommes, les sangues de bêche, les sangues de bêche. Allah bilingir dayan Gişin Galatasaray Gişiktar. Big up à tous Skyrock. Merci. Big up à la Zip 1 quartier Saint-Jean. Merci pour Big up à tous mes refrains. Un petit dédicace à nos amis turcs qui nous écoutent ce soir. Et ben merci DJ Amida. Merci à toi. Demain 20h-21h, c'est pour le Planète Rap. Ton Planète Rap tout au long de la semaine, hein. C'est ça. Ah bien, et Panam qui tourne sur Skyrock. Et ouais. Voilà, et l'album qui est sorti hier. Hier, c'est ça. Et que vous découvrez sur Skyrock dans Planète Rap demain. Et ben on sera là demain soir. Demain soir, 20h-21h. La radio libre, c'est parti avec. Ah bah tiens, un petit Major Lazer tout de suite. DJ Snake qu'on va retrouver sur Sky avec Major Lazer et avec Mo. C'est pour démarrer la soirée. Pour tout le reste, vous nous appelez. C'est parti maintenant. Hein, 01 53 40 30 20. Vous voulez tout déchirer, bah, ça tombe bien nous aussi. Hein. Et jusqu'à minuit, on y va, Fredo. Yes. Ouais, on y va. Oui. Et bah coup d'envoi. Et bah coup d'envoi. Et rendez-vous demain 20h pour Planète Rap et Radio Libre. Rendez-vous dans un instant. C'est parti. Ciao. Ils les appellent dans tout.